Bonjour. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi? Et on est toujours là. On a des petits soucis d'internet. Je pense qu'on est trop attiré sur la connexion La Roux-Sierraouaz, qui, comme vous le savez, c'est pas New York. Donc on galère. Voilà. Le logiciel n'a pas voulu nous relancer, puis il l'a relancé, et puis voilà. Et on arrive, on a perdu Damien. Ouais, on a perdu Damien. Et comment va-t-on faire? La connexion, elle est toute pourrite. Donc là, on est comme des cons. Je parlais de métronomie. On va enchaîner avec un extrait de l'album suivant, Love Letters. Que dire de cet album-là? Alors, on a un clip de Michel Gondry, donc en général, c'est plutôt bon signe quand Michel Gondry commence à vouloir faire des clips de notre musique. Bon, c'est pour le morceau Love Letters, qui est pas le meilleur, le plus ouf de l'album. Bon, évidemment, on peut en débattre, on peut en discuter, mais vous avez pas l'antenne, donc moi, si je trouve que c'est pas le meilleur, voilà, je dis ça. Mais bon, très beau clip, encore une fois, c'est très beau clip, Michel Gondry. Et on a voulu passer encore un morceau instrumental qui est moins connu de cet album-là, c'est Boy Racers, parce que sinon, Chloé Soulard aurait râlé si on l'avait pas mis, parce que c'est une forceuse. C'est la 6 de l'album Love Letters, elle est vraiment très très bien, et je vous conseille de danser dessus. Voilà, belle analyse, magnifique. Thank you. can't fly. Les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On est en train de. Et on est toujours là, malgré quelques interruptions parfois momentanées, quelques retours très courts d'une seconde et pour que rebugger. Mais on est là, donc on s'est écouté Boy Racers de Metronomy. Donc voilà, c'est un truc très personnel, mais l'album Love Letters et le suivant qui s'appelle Summer 08, sorti en 2016, prennent un petit virage qui, moi, m'a un peu moins scié. Je vous avoue que je les ai un peu perdus là-dessus. Mais en 2019, ils ont sorti un album, Metronomy Forever, qui va réconcilier tous les fans de Metronomy de la belle époque. Donc on reste sur ces premiers esprits de composition qui vont à l'essentiel, avec quand même une projection et une. Sur le live. Et d'ailleurs, il y a un truc assez intéressant avec Metronomy, c'est que par rapport à beaucoup de groupes qui restent un peu sur leurs acquis, qui jouent leurs grands classiques de façon à satisfaire le public, systématiquement, à chaque nouvel album, ils ont des nouveaux synthés, du nouveau matos. Et leur mission, c'est qu'à chaque fois, ils adaptent leurs anciennes chansons avec le nouveau matériel, avec le nouveau son. Donc des tubes comme The Bass de Look vont prendre un certain virage et vont changer en fait de tournée après tournée. Et c'est toujours intéressant de voir des groupes qui eux-mêmes, pour ne pas s'ennuyer, vont se renouveler constamment et également prennent le risque, hein, parce qu'évidemment, il y a toujours les fans qui disent « Ouais, mais je la préfère sur album. » Eh ben oui, mais en même temps, tu veux avoir du spectacle vivant, donc faut que ce soit vivant. Et si tu préfères sur l'album, tu te mets ton disque dans ta chaîne Hi-Fi, tu restes le cul dans ton canapé et tu vas pas voir des concerts. Et c'est ça que j'aime, enfin, bon, voilà, évidemment, c'est très personnel, c'est très subjectif, mais c'est ma vision de la musique. Moi, j'aime les groupes qui se sortent les doigts, qui prennent des risques et qui rendent leur musique, du coup, un peu plus fragile, un peu plus... qui prennent, voilà, qui se mettent en danger, et en général, ça rend l'exercice beaucoup plus vivant en live, et pour les avoir vus cette année, encore une fois, je répète, grâce à Ophélie Soulard, on ressent ça. Alors certes, on peut se dire parfois, ah ouais, il y a quelques petits, ça manque de répète, ou il y a des petits pains, mais en même temps, c'est ce qui rend vivant leur live. Et après tout, ce qu'on aime dans l'art, en général, c'est les failles, parce que c'est dans les failles que se cache l'humanité, et avec Metronomy, c'est ça qu'on aime, et c'est ça qu'on aime de manière générale dans la musique DIY, c'est parce qu'on entend des petites erreurs, des gens qui parlent en arrière-plan, des petits pains par-ci par-là, mais c'est ça qui nous rappelle que ce sont pas des gens qui ont travaillé sur un ordi qui a pu rectifier toutes leurs petits défauts, ce sont des êtres humains, et on aime les êtres humains. Et on aime Metronomy, très voilà. Très fort, très très fort. Voilà. Bravo. On se gardera un petit Metronomy pour finir cette émission. On parlera évidemment, on mettra un morceau du dernier album pour que vous fassiez une idée de quoi ressemble Metronomy en 2019. Alors tout à l'heure, il y a Louison qui nous a demandé d'analyser son rêve, donc elle nous l'a gentiment transmis. Alors le rêve. Du coup, mon rêve commence au restaurant. Je suis avec ma sœur et ma coloc qui veulent manger des sandwichs. Mais moi, ce que je veux, c'est une salade. Je vais pour faire la queue au stand salade, mais je me retrouve entourée de plein de mecs, fantômes du collège, qui viennent essentiellement pour me voler tous mes gros morceaux de salade. Dès que je tourne la tête, mon assiette se vide, et du coup, je me retrouve avec des espèces de miettes de salade et beaucoup de frustration. Je paie, et j'ai tellement honte que je dis à ma sœur et ma coloc que j'ai payé vraiment pas cher pour un super repas. Finalement, je me retrouve à faire la queue pour Space Mountain. Mais pas n'importe quel Space Mountain, celui version toboggan infini et sans ceinture. Je me fais pousser à l'intérieur, autant vous dire que cette sensation forte m'ont réveillé au premier virage. Waouh. Elle précise, d'ailleurs je me demande s'il n'y avait pas Chloé dans ce Space Mountain avec détresse. Alors je pense que pour la partie qui me concerne en tout cas, c'est peut-être parce que vous avez envie qu'on retourne à Disneyland refaire Space Mountain. Parce qu'on a vraiment bien ri quand on y est allé avec Typhon et Cola. Pour ce qui est de la salade, je ne sais pas, je vais demander l'avis de mes collègues également. Doug, peut-être vous avez une analyse ? Alors, donc moi, mon analyse, c'est que la salade, ça représente la verdure, la nature. Et donc, est-ce que ce ne serait pas le sentiment de frustration de ne pas pouvoir aller se balader dans la nature avec l'avatar des fantômes du collège qui viennent retirer ce droit à la nature ? Mmh. et après j'ai pas d'improvisation pour la suite. Alors moi si je peux me permettre, je dirais qu'effectivement la salade ça représente la nature, mais ça représente surtout la capacité de créer, de se reproduire de la nature. Et vous êtes effectivement entouré de plein de mecs à ce salade bar. Peut-être que c'est votre corps qui vous travaille, vous avez envie tout simplement d'enfanter, Louison. Alors moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Je pense que cette présence d'hommes fantômes du collège, c'est peut-être pour votre inconscient qui vous fait dire que vous êtes peut-être entouré de mauvaises personnes autour de vous. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des tensions dans votre entourage familial, amical. Je ne sais pas. Et peut-être que c'est un warning hein, de votre cerveau hein, qui vous dit attention là peut-être je vais me retrouver face à des gens qui vont me ramener en arrière alors que vous avez progressé, vous êtes allé en avant parce que je le rappelle 2020, nouvelle année, nouvelle lune, nouvelle saison zodiacale. Waouh, c'est-à-dire qu'on a fait de la psychologie de comptoir à de l'astrologie de comptoir d'un seul coup, j'avoue que je suis impressionné, je n'ai rien à dire, vous avez gagné ce débat haut la main, à plat de voilà, couture, Louis... à plat de Charlie Couture, j'ai même envie de dire. Oh, oh, oh. Magnifique, merci Louison d'avoir partagé ton rêve. Ah, il est intense, il est intense. Hein. Vraiment, n'hésitez surtout pas à nous... Nini nous dit que aime beaucoup les photos de Space Mountain. Oui, j'aime bien faire des photos dans Space Mountain, surtout quand on voit ma gueule hein, et que je suis pas cachée. Mais oui. Non, envoyez-nous vos rêves, hein, on les interprétera avec plaisir. Kemen, comme tous les jours, t'as un film. Tu veux nous parler d'un film hein, déjà, préparez-vous. Jeu concours, hein, comme à chaque fois. Donc hier, c'était Charlie Lino de vainqueur. Il avait deviné que ce que j'avais regardé et dont j'avais oublié le titre, c'était Les 100 à Dalmatien. Pour participer à ce jeu concours, il vous suffit d'aller sur la page Face de Book de la Radio des Boncons, d'aller commenter le dernier post. C'est une photo de qui cette fois ? C'est une photo de Léo Boiteau. Voilà, de Léo Boiteau. D'ailleurs, j'en profite, hein, envoyez-nous vos selfies de vos gueules le matin, hein, si vous voulez passer à la postérité, tout simplement. À la postérité d'Internet. Hein, envoyez-nous vos petits selfies de vos petites gueules de merde le matin, voilà. Vos petites gueules de petits culs. Ça nous ferait grand plaisir hein, parce que voilà, on y est tous passés. Hein. Kevin y est passé, j'y suis passé, Doug y est passé. À un moment donné, voilà, c'est à votre Il faut tour. Savoir donner de sa personne à un moment. Hein. Et c'est pas toujours les mêmes qui donnent. C'est une radio participative. Voilà, et voilà. Donc vous allez sur ce post Facebook et vous préparez votre petit commentaire. Et le premier qui commentera avec le nom du film que j'ai vu hier soir et dont je me rappelle pas bien, eh ben vous aurez gagné. La timbale, la grosse timbale. Vous aurez gagné le droit de faire une dédicace contre notre cher Charlélie. Alors Charlélie, on le rappelle, qui envoyait un gros big up à tous les AED de France. Pour les non spécialistes, les AED ce sont les pions, tout simplement. Auxquels je me joins d'ailleurs, hein, je me joins à son salut des AED. Il saluait tous les entraîneurs sportifs aujourd'hui et il faisait un gros big up à Zinedine Zidane, petit ange parti trop vite au Real Madrid. Voilà, j'espère qu'avec ce meublage un peu bancal, hein, ce meuble Ikea dont on se rend compte qu'il nous reste une vis à la fin, eh bien, j'espère que vous avez le temps d'ouvrir ce poste, et maintenant, je vais vous... Est-ce que vous êtes prêts ? Waouh. Je suis étonné que Damien ne réagisse pas à ça, parce que c'est... Doug ? J'étais distrait, pardon. Voilà. Bravo, c'est... Laurent Baffy, bravo. Voilà. Ouais. Tout le temps à 100%, désolé. Alors, je vais vous parler du film que j'ai vu hier soir, du coup. Hein. Préparez vos petits posts Facebook, ça va dépoter. Ça va aller vite, ça va très très vite. Je pense que ça va vite. Alors, j'ai vu un film hier soir, on était sûr de la bonne comédie française, quoi, un truc classique. Donc, j'allais dire fresque sociale, mais j'ai l'impression que je dis ça tous les matins. Mais en même temps, tu vas pas t'excuser d'être un homme engagé. Oui, c'est vrai. Moi, je regarde des films qui me touchent dans mon idée de la gauche, dans tu mon idée. Tu vas pas t'excuser d'être toi, quoi. Oui, bah bien sûr. Non, bien sûr, je le fais déjà suffisamment dans la vie de tous les jours. Alors, on est sur un film fresque social. On est finalement sur une idée. J'avais le sentiment que c'était une idée de l'éducation d'aujourd'hui, C'était, il y avait des gosses, il y avait plein de gosses. C'était un peu une une espèce de défense de l'éducation populaire, un message pour dire regardez, nous sommes tous égaux, regardez tous les gosses finalement logés à la même enseigne. Il y avait ce truc là de bah ils sont confinés, enfin pas confinés, faut pas utiliser ce mot là légère aujourd'hui, mais ils étaient dans un lieu pour un temps donné. Aïe, c'était un échec. Et bah des fois ils chantaient, des fois ça chantait pas mal, pas sur le chat s'il vous plaît hein. Ça chantait pas mal mais pas que. Ça faisait plein de trucs, moult activités, et plus j'avance, plus je me rends compte que je sais. Ah voilà, allez, voilà. On a des réponses moult et variées, mais voilà, ça chantait pas mal. C'était quand même l'été, hein, faut pas se mentir, il faisait beau. C'était en Dordogne, je sais même pas, c'était en Dordogne, c'était à la campagne, en tout cas. Il y avait un petit château, je crois. Une bicoque mi-cossu, mi-pas-cossu, peut-être pas non plus le truc de baron, de duché, mais peut-être la maison du jardinier d'un mec qui a un gros château, quoi, un truc comme ça. Ça logeait là-bas, c'était l'été, c'était les vacances en fait, donc on a déjà une réponse, je crois que. Excusez-moi, on a une réponse. Oui, bah on a une réponse, je vais pas tourner autour du pot pendant trois plombes. J'ai tenté de vous induire en erreur sur les choristes, mais en fait c'est bien nos jours heureux, Laura Goyer, vous avez été d'une rapidité à toute épreuve, mais en même temps... Elle avait pas gagné encore Laura. Comment? Ah ouais, elle avait pas gagné, effectivement. Alors, on a eu comme réponse de Laura, nos jours heureux, et après les choristes, non, effectivement, vous aviez raison, dès le début, c'était bien nos jours heureux, merci beaucoup, merci Jean-Paul Rouve. Alors par contre, il y a une réponse d'une Louise que je ne connais pas, c'est une Louise, une bonne conne aussi, qui nous a mis Camp Rock, magnifique, j'adore, si j'y avais pensé, je l'aurais fait. Malheureusement, je n'ai pas pensé aux Jonas Brothers de bon matin, comme ça, et c'est une erreur de ma part. Donc Louison, ouais, vous aviez répondu sur le chat, c'est bien tenté, mais de toute façon, c'était planté, donc voilà, mauvais médium et mauvaise réponse, j'ai envie de dire, vous l'avez dans le baba. Bravo. Laura Goyer, vous nous transmettez pas, notre... Voilà, vous nous enverrez un petit message sur les réseaux, hein, et puis avec votre dédicace, et puis... On fera la dédicace lundi, voilà, puisque lundi. C'est le week-end, la flemme de faire une matinale demain, après-demain, on va faire des grasses maths. En revanche... demain c'est samedi soir, on peut s'ambiancer de 21h à 23h avec DJ Shorba, ou comme son nom français pour si vous préférez et que vous êtes allergique au prénom d'obédience maghrébiste, Didier Chambord. Et voilà, demain DJ 7, 21h-23h par DJ Shorba, on dansera, on boira des coups ensemble et ça vous permettra de patienter jusqu'à lundi matin. Demain matin, vous retrouvez Ophélie avec la grâce matinale. N'hésitez pas à lui envoyer. On le redit, hein, c'est une radio participative. Si vous avez envie de participer à la radio, n'hésitez pas, envoyez-nous. Il faut participater, s'il vous plaît. Participater. Ça peut être un jingle, ça peut être une fausse bande-annonce, ça peut être un point. Un coup de gueule, je ne sais pas. Ce que vous voulez, quoi. Un conseil film, un conseil musique, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer vos productions. Damien, tu peux nous... Damien ? Doug ? Oh non ! Non ! On a perdu Damien ! Je trouvais ça étonnant qu'il ne réagisse pas à la blague point Godwin. Ouais. Attendez, est-ce qu'on peut pas essayer de le raccrocher, le rappeler quand même ? Ce serait dommage de finir cette... Bon sang de bonsoir ! On a cru qu'on allait partir en week-end sans vous dire au revoir, Damien. Non. Surtout que Damien, vous avez regardé la fin de votre documentaire sur les platistes. Ouais, alors du coup, ça confirme complètement le fait qu'il faut le regarder parce que la fin est vraiment très très drôle. Et alors, pour continuer dans les petites anecdotes un peu cocasses, en plein milieu du documentaire, j'essaye de pas trop spoiler, mais bon, ça c'est quand même assez ouf. Du coup, pour prouver que la Terre est plate, ils veulent prouver que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Et du coup, ils achètent un gyroscope à 20 000 dollars. Et quand ils font les tests, ils trouvent les résultats attendus par le modèle d'une planète sphérique qui tourne sur elle-même. Oh merde, oh les pauvres. Est-ce qu'on a un peu de peine pour eux finalement à la fin? Bah non, c'est surtout que sur le moment quand ils racontent ça, ouais, on a de la peine, mais t'as le mec qui dit, bon bah, ça prouve pas notre théorie, mais moi j'y crois quand même. Donc là, en fait, t'es oh le pauvre, et après, en fait, non, c'est juste un gros con. Ouais, et s'il a pas envie de sortir de ça, il sortira pas. Ouais, et du coup, en fait, donc la fin, c'est t'as toute la conférence des Platys qui est organisée, donc tu suis tout ce qui se passe dans ces événements-là, et la dernière expérience pour trouver qu'elle est plate, et du coup, c'est rigolo. Alors, le documentaire s'appelle Behind the Curve, Joseph. C'est ça. Et il est sur Netflix. C'est ça. Behind the Curve. Voilà, éclatez-vous ce week-end. Écoutez, nous on va le mater parce qu'il a l'air d'être très marrant. Ouais, si il a l'air vous pas mal. Voulez commenter entre vous aussi après l'avoir vu, vous n'hésitez pas en publiant la dernière publication de la matinale avec la tête de Léo au matin. Nini, on le redit, le lien auquel on peut le regarder, Netflix. Il est disponible sur Netflix. Voilà. Behind the Curve. Bon, on vous le mettra en commentaire de la dernière publication. Voilà, voilà. Et sur ce, on va se dire au revoir, il est 11h30, on n'a presque pas débordé. Oui, nous, on fait un petit point juste très vite fait, je vous donne le dernier... On se mate en ce moment la filmographie de Benoît Poulvord. Hier, on a regardé Les Émotifs Anonymes. Bah pareil, on vous le conseille, c'était vachement bien. Avec Isabelle Carré, il y a Pierre Ninet aussi dedans, qui fait un petit rôle, Swann Harlow. Donc il y a pas mal de gens assez cool dans ce film. Voilà, et sur ce, on se dit au revoir, Damien, on se... Doug, excusez-moi, oh là, j'ai dit votre identité secrète, mon dieu. Aïe, aïe, aïe, c'est terrible. Voilà, les gens vont vous harceler désormais, je suis désolé. Je vais devoir déménager en Argentine. Ouais, mais le... Pourquoi l'Argentine? Pour voir Florent Pagny, voyons. Pour voir des gens de votre... pour voir votre grand-père, peut-être? Oui, exactement, mon grand-père et tous ses potes... De régiment de ah oui, c'est ça. La diaspora des années 50 et 40, on la connaît. Ah bah oui, non, mais ça et le foot, c'est pour ça que j'y vais. Bon, ben on se retrouve lundi, mon cher Doug. Ouais, et puis bah je vous écouterai, je pense, si vous proposez quelque chose demain soir. Oh bah de 21h à 23h, ça va danser, ça va bouger les petits culs. Avec plaisir. Allez, bisous à vous. Bisous. Salut. Allez, les gros bisous. Chloé, on se retrouve juste après, là, tout de suite, en fait. Ouais. Pour aller fumer une clope. Exactement. Voilà. Et vous, les auditeurs, on se retrouve lundi matin. Ouais, et sinon, après le confinement. Oui, voilà. Bisous, on vous embrasse et on se quitte avec Métronomie Sex Emoji. C'est le moment d'envoyer des sex emoji à vos crushs, puisque pour l'instant... un petit sexto. Voilà, un petit sexto aubergine, puisque désormais, c'est tout ce que vous pouvez faire. Sex. day, I say I'm okay. Yeah, I'm okay, baby. I swear I'm okay. I swear I'm okay, baby. Even though my heart aches, my heart aches. Radio des bons coins, la radio des bons confinés, mais pas finaux, la radio des bons cons.